Qui marche dans l'intégrité, qui marche selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Conserve au fond de mon cœur ta promesse, afin de ne pas pécher contre toi.